Il ne leur manque que la parole. À qui donc? Au toutou? Mais non, aux fourmis, aux araignées, aux guêpes, à tous les insectes. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'à rebours de l'idée d'un instinct de ruche, ces insectes seraient dotés de personnalités individuelles. Dégustez-moi donc cette bonne fraise cultivée en container. Face aux défis climatiques, apparaissent de nouvelles fermes urbaines, hors sol, robotisées pour maximiser les rendements et raccourcir les circuits. Et enfin, la chirurgie cardiaque est-elle d'une quelconque utilité? Non, si on en croit une vaste étude épidémiologique qui atteste que les procédures invasives ne sont pas plus efficaces dans certains cas que les médicaments. Personnalité des insectes, fermes robotisées, chirurgie cardiaque, c'est donc le programme à forte personnalité qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et de fortes personnalités, nous n'en manquons pas autour de cette table pour décliner ce riche menu, à commencer par Olivier Lascar. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Rédacteur en chef de Hashtag Science et du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Bonjour Mathilde Fontaise. Bonjour. Du magazine Science et Vie. Et bonjour Jérémy Descou. Bonjour. De la chaîne YouTube Asclepios. Mais avant cela, elle est la reine mère de l'information scientifique qu'elle essaime chaque jour avec son rauque bourdonnement. Bonjour Nicolas. Oh là là, c'est Natacha Trio pour le Journal des Sciences. Allez, un peu de sérieux, on reprend et on commence ce journal avec trois études parues dans la revue Nature avec les premières détections de sursauts gamma à très haute énergie. Et les sursauts gamma, ce sont des flashs de photons qui se propagent dans l'espace interstellaire. La lumière émise par ces sursauts est équivalente à l'intégralité de l'énergie émise par le Soleil durant sa vie. On en observe environ une fois par jour, mais cela reste des phénomènes mystérieux. Ils sont issus soit de l'explosion nucléaire d'une fusion d'étoiles à neutrons, soit de l'explosion d'étoiles très massives, d'hypernova, dont le cœur s'effondre en trou noir. Trois télescopes à rayons gamma à effet Cherenkov atmosphérique ont ciblé la phase rémanente de sursaut gamma détectée cette année et en 2018. La quantité portée individuellement par les photons se révèle impressionnante. C'est la plus haute quantité d'énergie jamais détectée dans l'univers. Mathieu Denoroy est chercheur CNRS à l'École Polytechnique. Il a participé à ces travaux. Le point clé des observations sont le fait qu'on a observé la lumière d'un sursaut gamma à des énergies supérieures à ce qu'on avait vu jusqu'à présent par ces télescopes à effet de Cherenkov atmosphérique jusqu'à 1 téraélectronvolt. On pense que c'est vraiment la phase rémanente qu'on observe, c'est-à-dire le moment où le jet de plasma interagit avec le milieu interstellaire. Ce sont des observations importantes parce que d'abord, on ne savait pas jusqu'à présent jusqu'à quelle énergie ces sursauts gamma pouvaient émettre. On ne savait pas pendant combien de temps. Et donc pour la première fois, on a vraiment la confirmation d'une émission qui est tardive, qui est à très haute énergie et qui dure longtemps. Et cela éclaire aussi un petit peu sur les mécanismes de production de ces photons gamma. Parce qu'on peut envisager différents types de production, notamment une émission par des particules dans les champs magnétiques, ce qu'on appelle de l'émission synchrotron. Et le dernier processus qui est, semble-t-il, le plus vraisemblable, grâce à ces études, c'est l'émission inverse Compton, la diffusion inverse Compton, dans lequel on a des électrons qui sont accélérés à des énergies très élevées, de l'ordre de téraélectronvolt ou au-dessus, et qui vont interagir avec le rayonnement qui est présent dans l'espace, et qui vont, en cognant en quelque sorte ces photons, les propulser à de très hautes énergies. Et là, le fait qu'on observe ce signal à très haute énergie, au téraélectronvolt, semble valider vraiment cette hypothèse dans laquelle on aurait des électrons accélérés à très haute énergie qui céderaient ensuite leur énergie à des photons pour les propulser dans le domaine du rayonnement gamma. Ouais, pour tout savoir sur ces sursauts gamma, ces sursauts radio aussi, nous avions consacré une émission entière dont on vient de vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission ainsi que sur la page de la méthode sur franceculture.fr. Le fil Twitter, vous connaissez maintenant depuis le temps, c'est @laméthodefc. En bref, une étude parue dans Science, des physiciens ont découvert un nouvel état de la matière dans un supraconducteur. Et les physiciens chinois et américains ont appelé ce nouvel état de matière les paires de Cooper métalliques. Les paires de Cooper, c'est un duo d'électrons qui, à basse température, permettent au supraconducteur de conduire l'électricité sans résistance. L'étude montre que les paires de Cooper peuvent également conduire de l'électricité avec une certaine résistance, comme le font les métaux ordinaires. Le phénomène a été détecté dans un supraconducteur à haute température. Néanmoins, les auteurs reconnaissent que de nouvelles expérimentations sont nécessaires. Selon une autre étude parue dans Science, la musique est un langage universel que nous comprenons tous. Et jusqu'à présent, nous n'avions pas de preuves des caractéristiques universelles de la musique, et plus exactement de la chanson. Les chercheurs de l'université Harvard ont développé une base de données de près de 5000 descriptions détaillées de chansons d'une soixantaine de sociétés. Et une autre base de données pour analyser les enregistrements de 4 types de musique issus d'une trentaine de régions. Avec par exemple, cette berceuse de la culture sami du nord de la Suède. Ou encore cette berceuse de la culture chewa d'Afrique centrale. Alors non seulement la musique vocale est présente dans toutes les sociétés connues, mais aussi toutes les musiques suivent une même grammaire. Les chansons utilisées dans certains contextes partagent les mêmes caractéristiques. Les chants de guérison rituelle sont plus répétitifs que les chants de danse, et les chants de danse sont plus rapides que les berceuses. Ces résultats suggèrent une prédisposition innée à la musique commune à toute l'humanité. Deuxième sujet de ce journal, le CNRS lance une mission d'expertise pour éclairer l'origine du séisme du Teil. Il y a une activité sismique en France, mais c'est une sismicité à bas bruit, de magnitude très faible. Celui du 11 novembre était de magnitude 5. En France métropolitaine, c'est rare, et c'est encore plus rare dans cette région. Il y a tout de suite eu une cellule post-sismique pour examiner les marques laissées en surface, et les études préliminaires montrent des résultats inhabituels. Le CNRS regroupe donc un comité d'experts, composé de géophysiciens, de sismologues, de géologues et de modélisateurs pour mieux comprendre ce phénomène. Le groupe devrait rendre son rapport dans une quinzaine de jours. Nicolas Arnaud est directeur de l'Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS. Il est à l'initiative de cette mission. Suite à l'intervention de la cellule post-sismique, il est apparu que ce séisme avait un certain nombre de caractéristiques assez inhabituelles. Alors on l'a dit, il est particulièrement fort, si vous le voulez, sa magnitude est forte. La deuxième chose qui a surpris les géophysiciens, c'est le fait qu'il est très superficiel. Il faut affiner encore les données que nous avons et ces calculs, mais vraisemblablement, ce séisme s'est déroulé à moins de 5 km de la surface, ce qui est assez inhabituel quand même pour des séismes d'une telle magnitude, d'une telle énergie, et en particulier dans cette région-là. La deuxième chose qui nous a étonné, c'est ce qu'on appelle le mécanisme au foyer, c'est-à-dire en fait le déplacement sur la faille, puisque c'est bien ce déplacement sur une faille qui engendre le séisme. Ces séismes, c'est de la libération d'énergie parce que sur une faille, les blocs rocheux glissent l'un par rapport à l'autre. Et le mouvement que l'on observe sur cette faille-là est inhabituel pour la région. Alors sans doute avez-vous vu dans la presse aussi que dans un certain nombre de cas, des séismes peuvent être associés à l'activité industrielle, on en connaît. Parce qu'il y a dans la région un certain nombre d'activités industrielles, notamment en carrière, il nous a semblé très important de mobiliser un groupe de scientifiques pour étudier en détail, dans les semaines qui viennent, tout ce que l'on peut apprendre de ce séisme pour en comprendre réellement l'origine, pourquoi il y a eu lieu là où il a eu lieu, pourquoi il a été aussi fort en termes d'énergie, pourquoi on a eu ce mouvement particulier sur la faille, et essayer d'évaluer quelles ont pu être, in fine, les causes possibles de ce séisme. Et on vous tiendra bien évidemment informé des résultats de ce rapport d'ici une quinzaine de jours. Une étude parue dans Science Advances relate, Natacha, la découverte de fossiles de serpents à pattes. Ce ne sont pas des chimères, il s'agit de l'ancêtre du serpent, le Najas rionegrina, une espèce préhistorique. Des chercheurs australiens ont découvert en Patagonie 8 fossiles très bien conservés et vieux de 100 millions d'années, de l'ère du Crétacé. Les spécimens sont dotés de 2 pattes arrière. Ils se rapprochent du lézard tout en conservant des caractéristiques de serpent. Les résultats des analyses morphologiques et moléculaires montrent qu'ils avaient des pattes pendant au moins 70 millions d'années avant d'évoluer, de s'allonger et de perdre leurs membres. Et cette semaine, dans le journal des sciences, il a été question de la détection de molécules de sucre sur une météorite, d'un nouveau matériau thermoélectrique qui bat des records en production d'énergie, d'une intelligence artificielle qui comprend la grammaire française, mais également de l'avenir incertain du palais de la découverte à Paris. Et cette semaine également dans l'actualité scientifique, Natacha, en ultra bref. Selon une étude parue dans Science, si rien n'est fait, un tiers de la flore tropicale africaine va disparaître. 7000 espèces sont menacées d'extinction. Les pressions sur la biodiversité sont particulièrement aiguës en Afrique de l'Ouest, en Tanzanie, en Éthiopie, en République démocratique du Congo. À Bordeaux, les chercheurs ont ouvert la tombe supposée de Montaigne. Il est écrit sur le cercueil, en lettres rouges, le nom du philosophe. Les ossements commencent à être analysés et une lettre dans une bouteille a également été découverte. Elle sera ouverte prochainement. Et enfin, il existe une nouvelle formule mathématique pour calculer l'âge humain des chiens. Les chercheurs ont révisé leurs calculs à partir des caractéristiques de vieillesse d'une centaine de chiens. Alors, il ne suffit plus de multiplier par 7, une calculatrice est en ligne. Un chiot d'un an équivaut à un humain de 31 ans. Et on termine comme chaque semaine avec la rubrique de Science Improbable. Aujourd'hui, l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens nous rapporte que même les robots peuvent nous vexer. Oui, pendant une expérience, 40 participants ont joué à un jeu de stratégie avec Pepper, le robot humanoïde qui, pour l'occasion, a été programmé pour lancer des insultes. Alors, quand le joueur perdait, le robot déclarait des phrases du type « Vous êtes vraiment trop nul comme joueur » ou « Quelle partie catastrophique ». Alors, l'expérience montre que ceux qui étaient insultés par Pepper avaient de moins bons scores que ceux qui ne l'étaient pas. Et à l'inverse, quand Pepper se montrait encourageant, les joueurs ont été plus performants. Donc voilà, se faire charrier par un robot, ça a des effets négatifs sur la psychologie humaine. Ce journal était vraiment nul. Mais c'était pas terrible comme gag non plus. Ouais. Somme toute. Mais non, c'était super, Natacha, comme tous les jours. Merci beaucoup. Merci pour ce journal des sciences. On va faire un petit point sur un certain nombre d'éléments de ce journal des sciences ou de l'actualité des sciences de cette semaine. Peut-être qu'on peut revenir avec vous, Mathilde, pour commencer sur cette étude qui est intéressante sur ces sursauts gamma à extrêmement haute énergie. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Pourquoi est-ce que c'est important? Bah c'est vrai que c'est important parce qu'en fait on se rend compte avec cette étude et avec toutes celles qui la précèdent, hein, il y a eu énormément de découvertes de sursauts gamma et d'études fines de ces sursauts ces dernières années. C'est vraiment l'accélération d'une sorte de grand recensement de ces phénomènes extrêmes. Et pourquoi on les étudie finalement? C'est parce qu'on ne sait pas ce qui les envoie. C'est parce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est vraiment qu'une hypernova, qu'est-ce que c'est vraiment qu'une supernova, qu'est-ce que c'est qu'un collapsar, qu'est-ce que c'est qu'une fusion de trous noirs. Et on essaye finalement, les astrophysiciens ont tendance à souvent parler de leurs observables, c'est-à-dire de ces rayons gamma qu'ils voient dans le ciel et desquels ils décortiquent le spectre. Ce sont les physiciens, les astrophysiciens après qui vont essayer d'en faire des modèles, qui vont essayer après de décrire ce qu'il y a derrière et quels sont les monstres. Il s'agit des monstres les plus énergétiques de l'univers et ils ont sans doute joué un rôle énorme dans l'évolution des galaxies, donc il s'avère très important finalement dans l'évolution de l'univers en lui-même. Et puis on en parlait d'ailleurs mardi avec le club de cosmologie du lycée Louis le Grand, peut-être des trous noirs primordiaux, l'effondrement d'un trou noir primordial, l'évaporation plutôt d'un trou noir primordial pourrait être à l'origine. Alors peut-être pas de ces sursauts gamma extrêmement énergétiques, mais d'un certain nombre de sursauts gamma dont on ne connaît pas l'origine. Oui, ça pourrait du coup être la première possibilité pour pouvoir soumettre à l'expérience des modèles cosmologiques qui jusque-là étaient intestables et presque considérés comme étant hors de champ de la science par certains chercheurs. Comment est-ce qu'on teste une théorie du Big Bang, de l'univers, de l'évolution de l'univers à long terme? Eh bien, effectivement, avec des petits sursauts qui eux-mêmes découlent d'un astre qui lui-même a été prédit par l'un de ces modèles cosmologiques, un peu différemment dans ce modèle que dans un autre et qui pourrait permettre de trancher entre ces deux modèles-là. Donc voilà, c'est vraiment ce type de signaux qui pourrait être les seuls tests en fait, de la cosmologie. Olivier, une réaction sur l'actualité scientifique de la semaine? Moi, j'avais beaucoup aimé le sujet qu'a traité Natacha il y a quelques jours sur ces constatations sur les personnes qui sont auxquelles on a enlevé une moitié de cerveau pour des raisons médicales et dont on se rendait compte que la plasticité de cet organe extraordinaire faisait qu'ils étaient capables de vivre comme tout un chacun. L'expérimentateur raconte dans cette publique qu'il a dialogué avec les gens quand ils étaient sous l'IRM, qu'ils discutaient avec eux, qu'ils avaient leur motricité, etc. Donc c'est assez fabuleux et ça montre encore à quel point c'est une terra incognita. Par ricochet, ça m'a fait penser à une autre publie médicale, elle aussi, qui est sortie ces derniers jours, peut-être même ce matin, je crois. C'était ce matin. Sur un phénomène qu'on appelle l'animation suspendue et qui est un nouveau procédé qui consiste à vider une personne qui a été blessée de son sang pour remplacer ce sang par un liquide salin. Réfrigéré, ce qui permet de gagner du temps, en fait, en quelque sorte. Quand cette personne arrive à l'hôpital, elle a été blessée par balle ou poignardée, elle a perdu beaucoup de sang. Quand on fait cette chose-là, on gagne du temps pour l'opération. Alors, ça permet en fait au cœur d'arrêter de battre. On l'opère alors que le cœur a arrêté de battre. Et une fois que tout a été fait, on a gagné 2 heures de temps pour l'opération, on peut réinjecter le sang et la personne va revivre une vie... va repartir... C'est ce qu'on appelle la biostase. Alors, c'est évidemment un fantasme de science-fiction totale, mais c'est aussi une réalité biomédicale. Et à vrai dire, on a vu effectivement passer cette publication ce matin. On s'est dit que, comme on avait déjà des sujets dans le journal du jour, on se le réservait. Donc, on vous en reparlera plus en détail dans le journal des sciences de lundi. Peut-être un mot également sur ces voix et ce grondement qu'on entend de l'Académie des sciences sur la réforme, les travaux du Palais de la Découverte, Olivier ? Oui, il faut regarder ça avec inquiétude, parce que le Palais de la Découverte, c'est quand même une sacrée institution. Il y a des générations et des générations de personnes qui s'intéressent aux sciences, qui sont passées par là et qui ont été émerveillées par l'expérimentation, parce que ce qui fait la particularité du Palais de la Découverte, c'est qu'on y met la main à la pâte. Mmh. Et de toute évidence, cette rénovation qui va durer des années, puisque le palais va fermer et ne devrait rouvrir qu'en 2024, elle va se traduire par l'élimination d'un grand nombre de ces expériences. Ce qui est quand même extrêmement dommage, parce que si c'est pour les remplacer par des applis et des écrans, on peut voir ça ailleurs. Donc on espère que cette spécificité parisienne va demeurer. Mathilde, un mot là-dessus ? Ah ben oui, évidemment que c'est un lieu emblématique, évidemment que cette spécificité c'était ça, et puis c'était cette ambiance un peu surannée et qui, alors sans être passéiste, on aura envie plutôt d'une rénovation qui puisse préserver cet esprit-là, qui je pense a marqué de nombreux passionnés de sciences. Et puis peut-être un dernier mot également sur la découverte de sucre sur des météorites. C'est intéressant parce que les sucres, c'est vraiment pour le coup, on avance dans les briques du vivant et on arrive vers des chaînes de molécules de plus en plus complexes. C'est ça, on avance au fur et à mesure et c'est vraiment un enchaînement de publics, de découvertes avec les études des comètes, avec tous ces échantillonnages qui nous amènent à penser de plus en plus qu'il y a eu comme une fertilisation de la Terre tout au départ par ces briques du pré-vivant. Ça devrait être complété très bientôt par le retour des deux missions qui sont allées voir un astéroïde, les missions Osiris-Rex et Hayabusa 2. Hayabusa qui est en train de revenir vers la Terre, fini ses prélèvements. Qui est en train de voguer vers nous, il faut y penser. Revient, ouais. Et qui vont nous ramener des échantillons et qui permettront aussi de savoir quelle est la richesse en matière organique de ces corps. Ils ont déjà été analysés sur place et apparemment, ils sont constitués en très grande partie de molécules organiques. Je crois me souvenir, je parle sous le contrôle de votre mémoire infaillible, Mathilde, mais qu'on avait détecté un acide aminé dans le dégazage de Rosetta. Oui, dans le dégazage de Rosetta, qui a été une grande surprise. Ah. Hein, ça a été vu comme une espèce d'énorme chance de pouvoir l'échantillonner. Effectivement, et d'une manière générale, de toute façon, la surprise a été, en observant ces deux corps, de s'apercevoir qu'ils étaient composés de matière organique pratiquement entièrement. Donc on attend ces échantillons. On n'a qu'un seul milligramme pour l'instant d'échantillons d'astéroïdes sur Terre. Ça va évidemment apporter beaucoup d'en ramener plus et on a vraiment besoin, les astrophysiciens le disent sans cesse, d'échantillons physiques en plus des échantillons en plus des observations à distance. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 déjà, comme le temps passe vite quand on écoute la méthode scientifique et qu'on discute de l'actualité des sciences, eh bien les insectes sont, paraît-il, nos amis. Et évidemment, vous l'aurez noté, vous qui avez l'oreille fine, quand j'ai dit insectes et que j'ai parlé des araignées, vous avez bondi. Les araignées sont évidemment des arthropodes. Mais bon, dans les titres, on passe parfois un peu vite sur la rectitude de l'actualité scientifique. Peu importe, les insectes sont nos amis à tel point qu'aujourd'hui, des recherches en entomologie les doteraient d'une personnalité, y compris dans des groupes sociaux, comme les fourmis, les abeilles, les guêpes, les termites, etc. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets autour de personnalité, Mathilde, parce qu'en fait, personnalité, c'est évidemment céder peut-être à un poil d'anthropocentrisme. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des variants de comportement. Il y a des variants de comportement. Alors, l'anthropocentrisme est présent dans toutes ces études et il a même été un frein au début. Ces études sont très récentes. Dans Science et Vie, ce mois-ci, à la une, on se fait l'écho d'études qui ont commencé finalement il y a une dizaine d'années, parce qu'au départ, finalement, ces études, c'était du bruit dans les statistiques qui n'était pas considéré par les chercheurs. Des petites déviations dans des expériences menées sur des insectes ou sur d'autres types d'invertébrés. Et puis finalement, quand même, il a fallu se rendre à l'évidence qu'il y avait quelque part des variations comportementales dans ces bruits, des variations comportementales qui ensuite ont été jugées robustes, reproductibles, prouvées par l'expérience. Donc il y a eu pas mal de petites expériences comme ça dont on se fait l'écho, hein, et qui cherchent à chaque fois à montrer, donc pour montrer la personnalité, à montrer des traits parmi six grands traits qui ressemblent aux traits avec lesquels on va tracer grossièrement le portrait d'une personne en psychologie, d'une personne humaine. C'est des grands axes qui distinguent en fait vraiment certains comportements d'autres. Vous pouvez peut-être nous les dire, parce que ça effectivement ça permet de faire une sorte de cartographie un peu de ce qu'on entend par variant du comportement. Voilà, donc ce qu'ont étudié les chercheurs pour ces types d'invertébrés, c'est l'agressivité, l'audace, la sociabilité, la curiosité et le niveau d'activité. Donc c'est vraiment basique, hein, ce qui fait 5, pardon, oui, j'ai dit 6. Oui, ce qui fait 5 grands axes de comportement. Après, bon. Pardon. Et donc, étudiant ces 5 grands axes, ils ont par exemple pu s'apercevoir chez les cafards, en mettant des cafards dans une boîte de pétri qui était particulièrement éclairée, ils ont pu s'apercevoir que certains, pas tous, paraissaient supporter la lumière et ne pas se réfugier sur les bords de la boîte de pétri à l'abri, comme ils auraient dû le faire. Et ils supportaient la lumière pendant 2 heures. Ils ont reproduit cette expérience 19 fois. Et les 19 fois, il y avait toujours une partie de la population de cafards qui était exposée à cette lumière, qui restait à part. Donc comme s'il y avait une partie de cette population qui avait développé, on va dire, une audace particulière. Après être resté, je crois, pendant 2 jours dans l'obscurité, d'un seul coup on les met à la lumière et effectivement ils ont tous envie d'aller se planquer, sauf quelques individus qui sont qui finissent par y aller, mais qui sont considérés comme plus audacieux par les chercheurs. Il y a cette autre expérience d'abeilles asociales à qui on présente, alors ça paraît bizarre pour des abeilles d'être asociales, un peu moins que pour des fourmis, mais on présente à ces abeilles une larve, par exemple, qui devrait leur déclencher des comportements, on va dire, d'accompagnement, de soins. Les comportements stéréotypés par phéromones, donc normalement, il y a quasiment pas le choix, il y a un déterminisme très fort, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y a un déterministe très fort et c'est contre cette idée que toutes ces études vont aller. C'est que il semble, on s'attendrait à ce qu'il y ait un comportement très fort, on s'attendrait à ce que le comportement très fort de ces invertébrés, de ces insectes, soit dirigé à la fois par leur génétique, puisque pour certains, par exemple, ça peut être des clones, et soit aussi dirigé par leur rang social, leur appartenance à un collectif, en fait. Et au final, ces abeilles, voilà, alors la plupart se comportent comme elles devraient, mais certaines d'entre elles ne le font pas. 15%, voilà, 15% d'entre elles ne le font pas. C'est-à-dire ne réagissent pas au stimulus de la larve ou d'une larve de reine, ou enfin vraiment, elles réagissent pas comme on s'attend à ce qu'elles réagissent. Elles l'ignorent, voilà, simplement, elles l'ignorent. D'où les abeilles asociales. Il y a plein d'exemples qui sont assez passionnants. Parlez-nous par exemple des fourmis agressives. Les fourmis agressives, alors ce sont des fourmis à qui on présente d'autres fourmis, d'autres colonies, et elles peuvent avoir donc. La majorité d'entre elles les ignorent, mais certaines d'entre elles les chercheurs ont même assisté à des combats violents de fourmis qu'ils ont dû interrompre. Ils nous en ont parlé. Ils les ont séparés. Avec sur le ring ding. Il n'était pas programmé dans ces colonies de fourmis qu'elles aient cette réaction d'agressivité envers des fourmis qui leur étaient présentées. Et certaines d'entre elles l'ont eu. Toujours pareil. Il ne s'agit pas de la totalité d'une colonie. Il s'agit d'une partie d'une colonie qui n'a pas été formée. Finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, dans chaque colonie qui a été étudiée par toutes ces études, par toutes ces chercheurs, qu'il s'agisse d'abeilles, de criquets, de papillons, de scarabées, de pucerons et même de larves, on observe un comportement, on va dire, collectif global, et des comportements individuels un peu déviants, en tout cas différents, de ceux qui devraient être prédestinés en quelque sorte. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est-à-dire déjà d'un point de vue biologique, qu'est-ce qui est en jeu? Parce que ce sont, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de réseaux neuronaux. Il y a des réseaux neuronaux chez les insectes? Il n'y a pas de réseau neuronal chez les insectes, mais par contre, les chercheurs ont commencé à étudier la biochimie de tout ça et ils ont identifié des molécules qui sont des molécules semblables à celles qui peuvent avoir un impact sur le comportement humain. Par exemple, ils ont trouvé la sérotonine, la dopamine, qui sont des neurotransmetteurs qui sont connus pour influer sur la personnalité, sur notre personnalité à nous. Donc, au niveau moléculaire, on retrouve des molécules qui sont finalement assez proches, même si chez ces cerveaux qui sont un million de fois plus petits que le nôtre et qui sont beaucoup plus simples, on va avoir des molécules impliquées qui sont les mêmes. Et après, c'est surtout la part environnementale qui a été pointée par les chercheurs, jusqu'à même des études quantitatives qui tendent à montrer que 20 à 30% seulement du comportement de ces fourmis, de ces abeilles, serait prédestiné, serait génétique. Et que tout le reste serait finalement environnemental. L'une des chercheuses que nous avons interrogées nous résumait la chose en nous disant finalement, l'environnement c'est quoi ? Ça va être l'environnement durant la toute petite enfance de ces animaux. Et ça va être, est-ce qu'ils ont été nourris suffisamment ou peu ? Est-ce qu'ils ont reçu un soin parental plus ou moins intense ? Est-ce qu'ils ont été soumis à un stress des prédateurs particulièrement important, etc. Donc c'est vrai que là... C'est-à-dire que par exemple pour des insectes qui ont trouver peu de nourriture au moment du début de leur existence, d'un seul coup, ça va les encourager, ça va encourager un comportement plus audacieux, c'est-à-dire sortir un peu plus loin, aller chercher un peu plus loin, ça va déterminer une forme de prise de risque supplémentaire. C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une étude que nous citons dans l'article qui a été menée sur des scarabées et qui montre que des jeunes scarabées privés de nourriture vont après se montrer plus agressifs que des scarabées qui vont avoir été bien nourris. Ce qui paraît logique d'un point de vue de la survie, en fait. Pour pouvoir aller chercher de la nourriture quand elle se fait rare, il faut se montrer plus agressif. Donc c'est vraiment l'un des résultats. Et en fait, les chercheurs ont prolongé aussi cette idée en disant qu'en fait, finalement, peut-être que c'est assez naturel. Peut-être que c'est tout simplement un fait évolutif. Peut-être que c'est le résultat de la sélection naturelle. La sélection naturelle repose en fait sur le fait que les membres d'une même espèce vont afficher des différences individuelles. Et ça permet de pérenniser une espèce, ces différences individuelles. Comment est-ce que ces différences individuelles, justement, peuvent être un avantage pour l'espèce ou pour la collectivité ? Par exemple, en cas de changement d'environnement, et c'est un cas qui est beaucoup étudié dans le cadre du réchauffement actuellement, pour la survie d'une espèce, pour la survie d'une colonie, on peut imaginer que si une partie de la colonie va avoir un comportement différent du reste de la colonie, en cas de changement environnemental, la colonie va être plus à même de pouvoir réagir à ces changements. Et c'est là tout l'intérêt aussi de ces travaux, c'est de montrer que, finalement, c'est... comportements individuels qui sont observés chez des animaux qui sont des animaux sociaux font penser qu'il faudrait, dans les études qui sont menées sur les écosystèmes, considérer beaucoup plus l'individu par rapport à l'espèce. C'était l'une des conclusions aussi des chercheurs que nous avons interrogés, qui disent que finalement, la science des écosystèmes actuellement, l'étude des écosystèmes, a beaucoup plus considéré l'espèce, même c'est pour certaines fois, cantonnées à la quantification des espèces dans un milieu, et qui en fait, ces comportements individuels vont avoir un impact énorme sur la capacité d'une colonie, d'une espèce à pouvoir se reproduire ou non, à pouvoir agir en tant que prédateur dans un milieu fortement ou peu, etc. Il faut finalement lever une sorte de tabou auquel s'étaient soumis les chercheurs, hein, parce que finalement il y a une sorte de il y a une sorte de tabou, de pudeur ça paraît un peu trivial, ça paraît un peu sentimental, ça paraît anthropocentré aussi de considérer des animaux, de considérer la personnalité des animaux, et ça pose d'énormes problèmes techniques aussi pour les études, hein, puisqu'on imagine bien que c'est pas avec la même facilité qu'on va étudier chaque fourmi pour elle-même et savoir laquelle peut être un peu plus agressive ou un peu moins par rapport à étudier des colonies de fourmis entières, voire des espèces dans des milieux. Donc ça pose un tas de nouvelles questions techniques, mais c'est un vrai changement dans la perception que peuvent avoir les spécialistes de l'écologie. J'aime bien notamment l'un des rôles que ça peut avoir justement dans la préservation de l'espèce ou même dans la détermination des comportements d'une espèce en règle générale, c'est l'idée par exemple que chez les espèces invasives, il y aurait une tendance naturelle à avoir de l'intolérance sociale et que l'intolérance sociale fait que les espèces invasives se répartissent aussi vite parce qu'à un moment donné, ce sont des individus qui ne supportent plus d'être en surnombre à un endroit. Oui, il y a vraiment ce type de comportement peut avoir un énorme impact. Et les chercheurs se sont même, dans la deuxième partie de ce dossier, on sort du cadre des invertébrés et des insectes pour montrer un peu l'influence aussi que peut avoir le comportement individuel sur un écosystème. Et donc, on a par exemple l'exemple de tout simplement, ces rongeurs qui vont disséminer comme ça des graines un peu partout et qui vont chacun avoir leur comportement spécifique en fait de dissémination. Et pour certains qui vont pouvoir disséminer les graines dans des endroits qui vont vont plus favoriser ou moins favoriser la repousse et le développement des forêts, et qui vont avoir un impact de ce fait énorme sur la vie d'une forêt entière et d'un écosystème entier. Et puis ce qui est surtout ce que montre aussi cette étude, et ça c'est assez passionnant, c'est que les colonies qui ont moins de diversité de comportement survivent moins bien, s'adaptent moins bien, évidemment, ce qui paraît logique une fois qu'on a compris ça, à différents stress ou à différentes formes justement d'attaque ou de stress général ou d'attaque de la colonie. Oui, et ça va jusqu'aux bactéries, c'est ça qui est très amusant. Ça commence à devenir inquiétant, mais c'est très amusant, c'est qu'on s'aperçoit que même les bactéries ont adopté cette stratégie collective de mettre certaines des leurs en dormance. Alors, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une communication, bien sûr, entre les bactéries et qui disent « toi, tu vas dormir, et toi, tu vas rester réveillé », mais on voit bien qu'il y a un comportement collectif avec des bactéries qui vont s'installer. La plupart vont continuer de se reproduire, certaines vont se mettre en dormance et du coup, ainsi, devenir un peu plus résistantes aux antibiotiques et aux traitements qui peuvent être faits contre elles. Donc, on voit que finalement, dans le règne animal, et même au-delà, ça semble être un trait général pour d'avoir, si ce n'est une personnalité, au moins des différences importantes de comportement qui peuvent être minoritaires dans un groupe et qui peuvent donner après un atout à l'espèce pour pouvoir se développer ou résister. Oui, ce qui est évidemment fascinant quand on est face à des individus qui sont des clones ou qui ont tous le même patrimoine génétique. Olivier ? À propos de l'influence de l'environnement sur les insectes, il y a eu une publi assez extraordinaire il y a quelques semaines sur des fourmis qui ont été retrouvés dans un ancien bunker soviétique en Pologne près de la frontière allemande et qui y vivaient depuis des années alors qu'elles étaient absolument coupées de l'extérieur, elles ne pouvaient pas sortir du bunker. Donc les chercheurs se sont demandé comment est-ce qu'elles pouvaient survivre. Et ben, ces fourmis qui sont du genre Polytechna, je ne sais plus comment elles s'appellent, en tout cas. J'ai essayé de l'avoir de mémoire parce que moi je ne me serais pas risqué. En tout cas, ces fourmis ont développé un comportement cannibale puisqu'il y avait certaines autres fourmis qui étaient à l'air libre à l'extérieur qui pouvaient tomber à l'intérieur du bunker par un système de ventilation. Ces fourmis-là, eh ben, à cause de la chute ou je ne sais quoi, elles mouraient, elles étaient au sol, elles gisaient au sol, leurs cadavres gisaient au sol. Et en observant les cadavres, les chercheurs se sont rendus compte que ces fourmis avaient développé un comportement de cannibale puisqu'elles se nourrissaient du cadavre de leurs congénères. Ce qui est un comportement qui n'était pas visible dans d'autres circonstances et qui a vraiment été façonné par cet environnement. Oui, tout à fait. Et en plus, l'originalité de cette colonie, c'est qu'elle n'avait pas de reine et donc elle ne pouvait pas se reproduire, les fourmis en question. Et donc, en fait, elles ont développé tout un nouveau... Elles se sont complètement adaptées à leur bunker fermé, puisqu'elles ne pouvaient pas sortir et elles se sont complètement adaptées. Et oui, on voit vraiment ce... Cette prise de conscience est assez fascinante dans le regard qu'on peut porter à ces petits clones. Alors, on a tous vu fourmis, enfin presque, et donc on s'était tous aperçus que les fourmis pouvaient avoir des... Étonnamment, elles ne se mangent pas entre eux, mais alors dis donc. Quel dommage. On avait déjà donné des personnalités à des fourmis dans des dessins animés, mais là, on s'aperçoit que ça peut être un peu réel quand même. En tout cas, ne faites pas ça chez vous. Si vous êtes enfermé chez vous, n'allez pas manger votre voisin, ce n'est pas une très bonne idée. Scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. No, I ain't gonna work for Maggie's brother no more. He hands you a dime. He asks you with a grin if you're having a good time. And he finds you every time you slam the door. Come on. L'harmonica de Bob Dylan à 16h35 sur France Culture pour Maggie's Farm. Alors Maggie se serait-elle transformée en robot? C'est le cas dans plusieurs fermes hyper technologiques hors sol où toutes les cultures sont gérées non seulement donc sans terre autrement mais également par des robots et des intelligences artificielles. Horreur de la modernité et de la culture intensive ou au contraire solution à la surexploitation des sols et raccourcissement des réseaux d'approvisionnement? C'est un débat fort complexe, Olivier. Oui, alors ça fait longtemps maintenant que le numérique et la robotique ont investi les terrains agricoles. Il y a un très vilain mot qui fait florès depuis un moment, c'est agritech, pour parler de toutes les applis. Très vilain mot, comme vous y allez. Au Scrabble, c'est pas mal peut-être. Non, c'est pas terrible. Non, ça fait pas beaucoup de poids. Pas, et en tout cas, l'agritech, c'est par exemple des dispositifs de d'intelligence artificielle pour reconnaître des images filmées qui peuvent observer, par exemple, sur des cultures autour du haricot vert, tel papillon, je crois qu'il s'appelle le Noctuel, qui est un ravageur classique. Et quand l'intelligence artificielle a vu qu'ils sont en nombre dans les pièges, ça veut dire qu'il faut intervenir pour vider, etc. Ça, c'est des dispositifs qui sont installés depuis un moment. Ce qu'on voit arriver maintenant, c'est une forme de robotisation des cultures, des fermes. Et c'est vrai que dans cet article d'une dernière Science et Avenir qui vient de sortir, il y a ce papier de notre journaliste Olivier Hertel qui parle de cette première ferme en Californie, près de San Carlos, qui est développée par une start-up qui s'appelle Iron Ox et qui, pour la première fois, est intégralement géré par des robots. Alors, c'est pas encore Dallas, hein, c'est des... Non, mais c'est pas loin de Blade Runner déjà. Voilà. Il y a deux robots, mais il n'y a pas d'hommes. Ces deux robots, ils ont chacun une mission particulière. Il y en a un qui est plutôt genre colosse, qui fait une demi-tonne, qui est le robot qui est chargé de déplacer les cultures, puisqu'il faut s'imaginer vraiment un environnement totalement aseptisé, sous cloche, où les salades qui sont cultivées, puisque c'est essentiellement des salades, elles sont sur des bacs, posées sur des substrats neutres, genre, on peut imaginer des plaques de liège, mais les racines des plantes baignent dans de l'eau, qui est en fait un bain nutritif. C'est de l'hydroponie. Ça s'appelle l'hydroponie. On va faire une émission sur l'hydroponie dans peu de temps. Là. Et notre robot va les déplacer, les mettre dans certains lieux de la ferme selon leur niveau d'évolution. Et là, il y a l'autre robot, qui est le robot subtil, délicat, qui est équipé d'un bras mécanique avec une pince et de caméras stéréoscopiques qui lui permettent de voir et de détecter le niveau d'évolution de nos salades pour procéder à la cueillette, tout simplement, à la cueillette et à remettre les plants bébés dans ceux qui sont devenus vides pour repartir pour un tour. Mmh. Donc tout ça tourne depuis... Un an quasiment. Et les salades sont effectivement disponibles à la vente dans des épiceries très chics sans doute. Surtout ce qui est intéressant, c'est que ces produits de l'agriculture donc hyper technologique sont estampillés bio et local parce que il n'y a pas de pesticides. Parce que l'avantage, alors il faut voir les avantages, on va faire bénéfice. Les avantages de cela, c'est qu'effectivement, on est dans un milieu totalement contrôlé. Donc, ça veut dire pas de pesticides, pas... Enfin, allez-y, je vous laisse. Pas de pesticides, effectivement, puisque on reste en intérieur comme ça, il n'y a pas de maladies, il n'y a pas de bactéries, de virus, de champignons, de parasites. Oui. Le fait que la main-d'œuvre soit robotique fait aussi qu'il n'y a pas de déplacement à l'extérieur. C'est-à-dire l'homme ne peut pas être un vecteur de ces maladies. Alors, vu du point de vue aussi des entrepreneurs de ces startups qui sont chez Iron Ox en particulier, c'est un ancien de Google X, c'est la World Company là aussi. et ils ont un discours évidemment en disant c'est formidable, ce sont de la main-d'œuvre qui n'est jamais fatiguée, qui ne tombe pas malade et qui ne regarde pas ses horaires. Et par ailleurs, outre le fait qu'il n'y a pas de pesticides, on est aussi dans des circuits courts parce qu'on est sur des fermes qui sont à proximité des lieux de consommation, donc on évite le transport, donc on évite de la pollution. C'est un argument massif des gens qui défendent ce type de culture, qui disent par exemple qu'aux États-Unis, il y a en moyenne 2000 km entre le lieu où les légumes et les fruits sont cultivés et celui où ils sont consommer. Là, on est près des villes, donc le consommateur n'a qu'à se faire un petit saut de voiture ou il va à pied, pourquoi pas, et il peut avoir ses produits. Donc toute la pollution qui est liée au déplacement et au transport, elle est gommée. Alors, tout ça, c'est... Ça, c'est le côté positif. Il n'y a pas que des côtés positifs. Il y a aussi un certain nombre de critiques. Il y a des critiques même sur ces arguments-là, parce que il y a l'exemple d'Ironhawks en Californie, il y en a d'autres ailleurs, et notamment en France. Hein. Il faut dire qu'à la Courneuve, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Agricool, qui récupéré des containers maritimes et qui les a rééquipés en lieu comme ça de 30 mètres carrés sous cloche, là aussi pour cultiver des fraises. Il n'y a pas de robot, mais enfin, c'est aussi de l'intelligence artificielle qui va veiller en continue sur tous les paramètres qui font que les fraises sont bien cultivées ou pas et qui, en cas de problème, va trouver la meilleure solution. Il y a 240 scénarios qui ont été mis dans la boîte noire pour pouvoir réagir au mieux. Et puis pour optimiser au maximum, évidemment, le développement, la culture, pour aboutir à des fraises qui sont voilà, les meilleures possibles, enfin, qui ont été élevées dans les meilleures conditions possibles. Et des gens comme ceux d'Agricool ou ceux d'Ironhawks ou encore il y a l'entreprise Ful, ferme urbaine lyonnaise Lyon, ouais. À Lyon, qui développe des systèmes assez comparables, avancent des chiffres qui sont extraordinaires au niveau de la consommation d'eau. Ils disent qu'il y a 90% d'économie d'eau par rapport à une culture classique. En champ. Alors quand on sait qu'en France, la consommation d'eau, elle revient à 70% à l'agriculture. On voit bien quelle économie massive ça pourrait faire. Après, oui, mais alors, là aussi, il y a un oui mais quand même. Il faut se méfier de l'effet trompe-l'œil, l'effet loupe, des résultats qui sont propres à ces entreprises. Mais on aurait besoin d'études qui soient plus, macroscopiques, enfin plus globales et qui comparent sur des temps plus longs ce type de culture avec les cultures classiques. Et là, les experts qui sont interrogés dans cet article de Science et Avenir, ils sont plus dubitatifs et ils disent que de telles études un peu globales n'existent pas encore et qu'elles demandent à être faites. Mmh. Après, on voit bien, il n'y a pas de... Donc, ces cultures en intérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil. Donc, tout est éclairé par des systèmes de LED qui vont... Alors maintenant, les LED sont devenus extrêmement... Il y a eu un prix Nobel là, pour les LED blanches il n'y a pas longtemps. On arrive maintenant à une subtilité dans la luminosité qui est terrible avec la lumière par LED. Donc on peut reproduire tout le spectre du soleil de façon artificielle. Mais tout ça, évidemment, ça consomme de l'énergie. Pour en revenir à l'eau, toute l'eau qui est utilisée dans des dispositifs comme ceux-là, c'est l'eau du réseau. C'est l'eau potable. L'eau du robinet, oui. C'est l'eau du robinet. Alors que dans les cultures classiques, l'eau de pluie, elle aussi, est utilisée. Oui, donc, puis il y a la réutilisation, justement, d'eau de pluie. Pour... Oui, exactement. Donc voilà, les questions demeurent. Il n'en reste pas moins que on est bientôt 7 milliards sur cette planète. On sait les problématiques liées au réchauffement. On est bien plus que 7 milliards, Olivier, voyons. On a dépassé les 7 milliards. On n'est pas à 8 milliards maintenant. Je vais regarder ça tout de suite. Je vous laisse continuer. Je vais demander aux internets. et donc, ce sont quand même des solutions, ce sont des pistes, quoi. Ce sont des pistes qui sont regardées très sérieusement. 7 milliards et demi. Ah, on avait raison tous les deux, alors. Ouais, comme d'habitude. C'est un peu comme chez Jacques Martin, vous savez, tout le monde a gagné. Un mot, pardon, oh là, la référence qui tâche. Un mot peut-être sur la question de la rentabilité aussi de ces fermes high-tech, parce que c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'énergie consommée. Est-ce qu'on arrive à un seuil de rentabilité intéressant? Parce qu'on sait bien que ça ne prendra ou ça ne marchera que si, au final, les entreprises qui se lancent et qui investissent là-dedans y retrouvent leur petit, à savoir leur dollar. Alors, pas encore. On a l'exemple du Japon aujourd'hui, qui est vraiment à l'avant-garde sur ces questions des fermes en intérieur. Hein, c'est le terme, évidemment, anglais qui est consacré, c'est les fermes indoor. Et au Japon, on en compte 300 environ, seuls 25% sont au-dessus du seuil de rentabilité. Donc pour l'instant, on est encore dans l'ordre du pari. Et des gens comme, par exemple, les Lyonnais de Ful, FUL, disent qu'ils attendent de leur premier client qu'il soit leur ambassadeur et qu'il fasse la promotion de ce genre de dispositif. Mais la solvabilité, elle est encore à démontrer. Les produits sont plus chers. Les salades, c'est quand même de la salade de luxe. Hein. C'est chez Ful qui cultive du basilic, qui disent entre 1,5 million et 2 millions d'euros pour une unité de 200 mètres carrés, capable de produire 40 tonnes de basilic par an. Donc c'est des marchés très particuliers. Je crois que c'est c'est Agricool qui vise le marché des Émirats Arabes Unis. Ils ont déjà un conteneur. Alors là, on n'est pas tout à fait sur du local. Hein. On n'est pas tout à fait sur du circuit court. Non. Mais bon, voilà, c'est peut-être le seul moyen de manger des fraises à Dubaï, mais c'est bien nécessaire. Mathilde, un mot sur ces fermines d'or et sur ce business hyper technologique. Mais effectivement, Olivier le disait, 7,5 milliards aujourd'hui, 10 milliards demain. Comment est-ce qu'on nourrit tout le monde sans non plus, compte tenu du taux actuel d'occupation des sols? C'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique et on voit bien que là, on en est au stade des startups, en fait, qui sont en train de développer des technologies et qu'en fait, il y a aussi tout l'intérêt de pouvoir franchir des caps techno, en fait. On voit bien qu'il y a des enjeux dans l'intelligence artificielle, comment faire fonctionner ces trucs-là sans avoir personne qui les surveille. On voit bien qu'il y a des enjeux en robotique, en dynamique. On voit bien qu'il y a des enjeux même en agriculture, etc. Donc, c'est des projets qui vont après amener peut-être à relever certains des défis qui empêche encore à... Et après, ensuite, se poseront les questions éthiques, en fait, quand ça arrivera vraiment, quand ce sera plus simplement des petites start-up. Quoi. La question de la perception aussi. Est-ce qu'en France, ça peut marcher dans un pays comme le nôtre qui est très attaché à la valeur terroir? C'est ça, oui. En même temps, rappelez-moi la dernière fois que vous avez mangé des tomates, Olivier. Elles étaient pas terribles. Ouais. C'est plus la saison. C'est plus tellement la saison. Un mot tout de même aussi, puisque là, évidemment, on parle de nutrition directe. Il y a ces recherches, et encore une fois, on reparlera d'hydroponie, d'aquaponie, tout ça, ces systèmes de culture hors sol qui sont assez intéressants, qui ont un autre intérêt, Olivier, tout de même, c'est pour la course à l'espace. Oui, on a déjà vu un prototype qui s'appelait Veggie, qui a été envoyé dans l'ISS il y a quelques années. C'était la première salade à pousser dans l'espace. C'est une problématique puisqu'on sait que dans le scénario d'un voyage vers la Lune à nouveau, Mars, etc. Surtout Mars, oui. Il faudrait bien qu'on se nourrisse. Et donc l'idée de containers pour développer des cultures... Pour avoir des produits frais. Voilà, on l'expérimente aujourd'hui en Antarctique, par exemple. Il y a un dispositif comme celui-là qui est dans une station... Sur la base allemande. De Mayer. Voilà. Et donc c'est très important dans le scénario pour le vous l'avez peut-être vu en Antarctique. Ah non, vous savez les distances sont un peu longues en Antarctique quand on est sur une base, on va pas faire un coup de stop pour aller à la base d'après. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Oui, il fallait faire ça s'appelle un petit bizutage pour l'ami Jérémy Descoux. Bonjour docteur. Bonjour. La chirurgie cardiaque aurait-elle été prescrite de façon un peu démesurée pour traiter des maladies coronariennes? C'est ce que laisse entendre le résultat d'une vaste étude épidémiologique. Hein, ischémia dont les résultats ont été rapportés en début de semaine à l'American Heart Association et qui indique que les médicaments ont de tout aussi bons résultats que ces procédures dites invasives. Alors Jérémy Descoux, puisque vous êtes vous-même cardiologue, puisque nous allons aborder des questions pharmacologiques qui touchent votre profession, je suis tenu à vous demander si vous avez des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, pour commencer. Des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, très certainement. Par contre, j'ai pas de conflit d'intérêt qui concerne cette étude en particulier. Je suis pas investigateur sur l'étude, je fais pas de coronarographie, je suis pas de cardiologie interventionnelle de ce titre, donc je pense pas avoir de conflit d'intérêt avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Eh bien, donc nous allons pouvoir en parler, puisque ceci est dit. Racontez-nous un peu ce que c'est que cette étude ischémia. Alors, l'étude ischémia, il faut comprendre que ça s'inscrit dans un cadre un petit peu global. On a notion, sur la cardiopathie ischémique, on a deux types de maladies, en fait, sur les coronaires qui coexistent. La première maladie, c'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. C'est très simple, c'est-à-dire que vous avez des artères qui sont malades de base et une artère qui va brusquement se boucher. Faisons un parallèle un peu simpliste, hein, parce que je vais pas non plus rentrer dans des détails très importants, mais c'est comme si vous aviez un grand réseau autoroutier avec des nationales au niveau de votre carte de France, quelque chose comme ça. Vous avez un réseau autoroutier et vous avez plein de petites départementales, plein de petites communales qui existent. Et là, c'est comme si vous aviez tout d'un coup un gros accident sur un gros axe routier qui empêche une partie de vos artères de fonctionner et donc d'apporter de l'oxygène au tissu. 1. C'est sur cette base, en fait, que l'on s'est basé, entre guillemets, que les procédures interventionnelles ont été mises en place, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'épontage orthocoronaire, la procédure chirurgicale, en 1960, mais aussi en 1977, et de manière un peu plus populaire par le professeur Puel à Toulouse en 86, par l'angioplastie. L'angioplastie, c'est pas très compliqué. On va détailler peut-être le pontage. Le pontage d'abord en un mot. Le pontage orthocoronaire, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que vous avez, entre guillemets, une artère qui est bouchée, quelque part bouchée, presque bouchée. C'est quelque chose qui est assez similaire, brusquement. Donc l'idée, ça va être de mettre une dérivation, c'est-à-dire de faire passer un morceau de vaisseau par-dessus l'artère qui est bouchée pour vasculariser l'aval. C'est-à-dire que le problème que vous avez, c'est que le flux en amont, il circule, il est bouché, et le flux en aval ne circule plus. Donc on va essayer de passer par-dessus en mettant un petit pont. Soit on utilise une veine, typiquement une veine saphène, une veine accessoire au niveau jambier, ou on peut utiliser aujourd'hui, ça s'est développé un petit peu plus tard, ce qu'on appelle les mammaires internes, qui sont des artères accessoires qui cheminent au niveau de votre thorax, grosso modo. Ça, c'est le pontage. Ça, c'est le pontage. Deuxième procédure. La deuxième procédure qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle l'angioplastie. C'est tout simplement d'aller déployer un ballon pour réouvrir l'artère au niveau de la coronaire. Ce déploiement de l'artère, du ballon dans l'artère coronaire, elle peut se suivre. Elle s'est suivie par la suite, c'était pas immédiat, de la mise en place de ce qu'on appelle un stent. Un ressort, c'est quelque chose que vous avez dû entendre, c'est-à-dire un dispositif qui va se mettre au niveau des parois et qui va maintenir l'artère ouverte. Donc, on s'est rendu compte en fait qu'une revascularisation précoce chez les patients qui faisaient un caillot, c'est-à-dire un accident coronaire, était quelque chose qui était très bénéfique, c'est-à-dire qu'on récupérait de la fonction cardiaque, on récupérait du muscle cardiaque qui finalement n'avait pas le temps de mourir, si tant est qu'on intervienne relativement rapidement. Donc on a fait une petite extrapolation dans les années 80, parce que ça remonte à très loin tout ça. On a fait une petite extrapolation. La fin des années 70, c'était hier. C'était hier. On va pas partir sur de haut humeur, mais presque. Allez-y, pardon, je vous ai interrompu. On est du coup dans les années 80 et on se dit, c'est bien de réparer des artères quand elles sont, entre guillemets, abîmées, mais on sait qu'il y a certaines artères qui sont un peu plus à risque. Ce qu'on appelle les artères athéromateuses, dans lesquelles vont se développer des plaques de cholestérol. L'athérome, c'est un peu plus compliqué que ça, je vais pas m'étendre sur ce qu'est l'athérome, mais on sait qu'il y a certains facteurs de risque, le tabagisme, notamment le diabète, l'hypertension, le cholestérol, l'âge, un sexe masculin, qui sont des facteurs de risque qui vont vous permettre de développer des maladies de ces artères. Ces artères, elles peuvent également, dans un autre mécanisme, se boucher progressivement. C'est-à-dire que votre calibre de l'artère, il est de 100% quand vous êtes tout jeune. Puis on peut voir des plaques qui vont occlure l'artère à 30%, 50%, 70%. Et là, on va apparaître un autre type de phénomène, qui n'est plus un phénomène accidentel, la formation d'un caillot à ce niveau-là, qui est un phénomène progressif. C'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, très schématiquement, c'est que au repos, vous n'utilisez pas toutes vos coronaires à pleine capacité. À repos, vous utilisez à peu près schématiquement 30% de vos capacités. Par contre, lorsque vous allez faire un exercice physique, lorsque vous allez subir un stress, vous allez avoir le cœur qui va battre plus fort, la diastole qui va diminuer, donc le remplissage des coronaires qui va diminuer. Et à ce moment-là, vous allez stimuler cette réserve coronaire. Et malheureusement, à ce moment-là, cette réserve coronaire peut s'avérer amputée. Et donc, on voit apparaître... Exactement. Et on voit une insuffisance coronarienne, c'est-à-dire que on voit apparaître une ischémie, c'est-à-dire un manque d'oxygénation des cellules à l'effort. Donc là, l'étude qui nous intéresse, elle concerne pas la pathologie coronaire entre guillemets accidentelle, l'infarctus du myocarde. Elle concerne plutôt la pathologie angineuse et le dépistage des artères pour essayer de vérifier chez les patients au risque qu'il n'y ait pas une artère débouchée. Et l'assertion sur laquelle on s'est basé, c'est que si vous constatez que votre patient, il a une ischémie qui est avérée, c'est-à-dire des douleurs dans la poitrine, donc un retentissement clinique, ou bien, très simplement, une ischémie qu'on voit sur des tests de dépistage, c'est-à-dire qu'on voit que, à l'effort, par exemple, le cœur ne se comporte pas bien et montre des signes de souffrance cardiaque. Alors, vous ne nous faites pas une attaque coronarienne, monsieur Jérémy, je vous en prie. Tout va bien. Restez avec nous. Tout va bien. Et si on voit, pardon, c'est l'émotion. Si on voit que il y a une ischémie qui peut être dépistée, on se dit, et que l'on voit sur l'angiocoronarographie des artères qui sont bouchées à 70-80%, on se dit, ça pourrait être intéressant quand même d'aller déboucher ces artères, en plus du traitement médical, pour essayer d'optimiser la récupération et de limiter le nombre de phénomènes tout ça. Donc c'est-à-dire de faire une procédure chirurgicale finalement pour anticiper éventuellement pour empêcher la survenue d'un accident vasculaire. Exactement, chirurgicale ou interventionnelle en fonction de la méthode que l'on va utiliser, mais l'idée c'est de se dire en faisant ça, on va prévenir des événements coronariens, des morts subites, des infarctus du myocarde et on va permettre aux gens de se sentir mieux s'ils ont de l'angine de poitrine. Ça c'est quelque chose qui apparaît relativement logique et qui va se développer tout au long des années 80 avec toujours cette question. C'est que si tant est que c'est bien démontré sur le plan de l'infarctus du myocarde, à proprement parler, ça l'est beaucoup moins vis-à-vis de tout ça. Donc, différentes études sont venues émailler le suivi. Dans les années 90, on a eu beaucoup d'études qui ont été développées et qui n'ont jamais montré en fait de supériorité du traitement médical, de supériorité de l'angioplastie, de la réparation des artères, de la revascularisation pour faire plus simple, par rapport au traitement médical. On s'est dit, oui, dans les années 90, oui, mais là, on est en train de développer le stenting, c'est quelque chose de très important. La pose de stent, pose de stent, ça va être prometteur, donc on va voir comment on va pouvoir évoluer, et peut-être que les résultats sont pas tout à fait extrapolables, parce que les méthodes pour maintenir les artères ouvertes étaient pas extrêmement performantes. On a eu des études également similaires qui se sont développées dans les années 2000. Je vais retrouver la référence, c'est l'étude Courage. Oui. Courage et Barry D2, qui sont des études multicentriques, donc qui sont de plus gros volume, entre guillemets, qui ont dit vraiment, objectivement, l'angioplastie associée au traitement médical ne fait pas mieux sur des critères durs que tout simplement le traitement médical. L'étude Courage, qui date de 2004, on va faire court. On arrive à la fin, je vous le dis. C'est ça. Et oui, il faut. L'étude Courage, elle a été très critiquée sur sa méthodologie, sur le fait que, de toute façon, quand on faisait la coronarographie, c'était très difficile pour le coronarographiste de se positionner et de dire, je vais pas traiter une artère alors que je vois qu'elle est à 90% et qu'elle est risquée. Donc, il y avait des fois des changements de thérapeutique qui ont fait que l'étude a certains biais méthodologiques. Donc, l'étude Ischemia, on va être très schématique, elle a une approche un peu nouvelle. C'est que ischémia, c'est 5000 patients qui ont été étudiés en deux bras, 2500 angioplastie plus traitement médical et un bras traitement médical simplex. Et on a démontré chez ces patients, en faisant un coroscanner, c'est-à-dire en faisant pas d'angiocoronarographie avant, donc en les randomisant par la suite, c'est-à-dire en les répartissant dans les groupes sans faire d'angiocoronarographie, on s'est rendu compte que sur une population qui est globalement homogène, il n'y a pas de bénéfice sur des critères durs de faire un traitement par angioplastie par rapport au traitement médical. En sachant que tous les patients étaient dans une démarche de réduction des risques aussi et d'accompagnement. Tout à fait. Voilà. Alors les patients qui ont été inclus, ce sont des patients qui avaient une angine de poitrine dépistée, c'est-à-dire qui avaient des douleurs dans la poitrine dépistées, donc qui étaient soit symptomatiques, soit avec un test de dépistage par une épreuve d'effort qui était positive. Donc c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement de notre côté. Donc C'est la fin, quasiment un mot de conclusion, Jérémy, en un mot. Un mot de conclusion vis-à-vis de tout ça. Chez ces patients qui bénéficient du traitement médical optimisé, on a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est un nouveau paradigme tout ça, qui nous dit que le traitement médical, finalement, traiter ces toutes petites artères, ces petites artères communales, ces artères toutes petites, pourra avoir un intérêt, et ça vraiment c'est le traitement médical qui va pouvoir le faire. Ça compose 90% de notre réseau coronaire, et je pense que c'est un point sur lequel il va falloir travailler très sérieusement. Merci beaucoup Jérémy Descoux. Un mot sur la prochaine vidéo de votre chaîne YouTube Asclepios. On verra. Je suis beaucoup en train de travailler sur la réanimation par l'insufflation alvine de tabac dans le rectum des gens. Ça va être formidable. Qui avait donné lieu à une émission épique dont on peut vous remettre le lien sur le fil Twitter. À la une de Science et Avenir, Olivier Lascar. Les maths expliquent le monde et attention aux bactéries buccales. Et sur hashtag science, la version jeunesse de Science et Avenir. Alors le numéro qui sort la semaine prochaine, c'est la science de Star Wars. Waouh, ah ben oui, forcément, il y en a un nouveau qui sort. Martin Fontaine. Science et vie. Science et vie, à la une, les insectes, comme on en a parlé tout à l'heure, et le hors-série sur les addictions qui vient également de sortir en casque. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Aujourd'hui, c'était Julien Calvas à la technique. La semaine prochaine, nous parlerons lundi des troubles obsessionnels compulsifs, mardi des lasers avec deux prix Nobel, Gérard Mourou et Donna Strickland. Mercredi sera question de données biométriques, jeudi de l'apparition de la bipédie et vendredi SF. Nous ne parlerons pas de Star Wars, non, nous parlerons de la guerre des mondes. Demain, c'est la conversation scientifique d'Étienne Klein à 16h. On se retrouve lundi jusqu'à preuve du contraire.